L'Assommoir, chapitre 1. Gervaise avait attendu Lantier jusqu'à 2 heures du matin. Puis, toute frissonnante d'être restée en camisole à l'air vif de la fenêtre, elle s'était assoupie, jetée en travers du lit, fiévreuse, les joues trempées de larmes. Depuis 8 jours, au sortir du veau à deux têtes où il mangeait, il l'envoyait se coucher avec les enfants et ne reparaissait que tard dans la nuit, en racontant qu'il cherchait du travail. Ce soir-là, pendant qu'elle guettait son retour, elle croyait l'avoir vu entrer au bal du grand balcon, dont les 10 fenêtres flambantes, éclairées d'une nappe d'incendie, la coulaient noire des boulevards extérieurs. Et, derrière lui, elle avait aperçu la petite Adèle, une brunisseuse qui dînait à leur restaurant, marchant à 5 ou 6 pas, les mains ballantes, comme si elle venait de lui quitter le bras pour ne pas passer ensemble sous la clarté crue des globes de la porte. Quand Gervaise s'éveilla, vers 5 heures, raidie, les reins brisés, elle éclata en sanglots. Lantier n'était pas rentré. Pour la première fois, il découchait. Elle resta assise au bord du lit, sous le lambeau de perse déteinte qui tombait de la flèche attachée au plafond par une ficelle. Et, lentement, de ses yeux voilés de larmes, elle faisait le tour de la misérable chambre garnie, meublée d'une commode de noyer dont un tiroir manquait, de 3 chaises de paille et d'une petite table graisseuse, sur laquelle traînait un pot à eau ébréché. On avait ajouté pour les enfants un lit de fer qui barrait la commode et emplissait les 2 tiers de la pièce. La malle de Gervaise et de Lantier, grande ouverte dans un coin, montrait ses flancs vides. Un vieux chapeau d'homme tout au fond, enfoui sous des chemises et des chaussettes sales. Tandis que, le long des murs, sur le dossier des meubles, pendait un châle troué, un pantalon mangé par la boue, les dernières nippes dont les marchands d'habits ne voulaient pas. Au milieu de la cheminée, entre 2 flambeaux de zinc dépareillés, il y avait un paquet de reconnaissance du Mont-de-Piété, d'un rose tendre. C'était la belle chambre de l'hôtel, la chambre du premier, qui donnait sur le boulevard. Cependant, couchés côte à côte sur le même oreiller, les 2 enfants dormaient. Claude, qui avait 8 ans, ses petites mains rejetées hors de la couverture, respirait d'une haleine lente, tandis qu'Étienne, âgé de 4 ans seulement, souriait, un bras passé au cou de son frère. Lorsque le regard noyé de leur mère s'arrêta sur eux, elle eut une nouvelle crise de sanglots. Elle tamponna un mouchoir sur sa bouche pour étouffer les légers cris qui lui échappaient. Et, pieds nus, sans songer à remettre ses savates tombées, elle retourna s'accouder à la fenêtre. Elle reprit son attente de la nuit, interrogeant les trottoirs au loin. L'hôtel se trouvait sur le boulevard de la Chapelle, à gauche de la barrière poissonnière. C'était une masure de 2 étages, peinte en rouge lit de vin jusqu'au second, avec des persiennes pourries par la pluie. Au-dessus d'une lanterne aux vitres étoilées, on parvenait à lire entre les 2 fenêtres « Hôtel Boncœur, tenu par Marsoulier », en grandes lettres jaunes, dont la moisissure du plâtre avait emporté des morceaux. Gervaise, que la lanterne gênait, se haussait, son mouchoir sur les lèvres. Elle regardait à droite, du côté du boulevard de Rochechouart, où des groupes de bouchers, devant les abattoirs, stationnaient en tablier sanglant. Et le vent frais apportait une puanteur par moments, une odeur fauve de bête massacrée. Elle regardait à gauche, enfilant un long ruban d'avenue, s'arrêtant presque en face d'elle, à la masse blanche de l'hôpital de la Riboisière, alors en construction. Lentement, d'un bout à l'autre de l'horizon, Elle suivait le mur de l'octroi, derrière lequel, la nuit, elle entendait parfois des cris d'assassinés. Et elle fouillait les angles écartés, les coins sombres, noirs d'humidité et d'ordure, avec la peur d'y découvrir le corps de l'entier, le ventre troué de coups de couteau. Quand elle levait les yeux au-delà de cette muraille grise et interminable qui entourait la ville d'une bande de désert, elle apercevait une grande lueur, une poussière de soleil, pleine déjà du grondement matinal de Paris. Mais c'était toujours à la barrière poissonnière qu'elle revenait, le cou tendu, s'étourdissant à voir couler entre les deux pavillons trapus de l'octroi le flot ininterrompu d'hommes, de bêtes, de charrettes qui descendaient des hauteurs de Montmartre et de la chapelle. Il y avait là un piétinement de troupeaux, une foule que de brusques arrêts étalaient en mare sur la chaussée, un défilé sans fin d'ouvriers allant au travail, leurs outils sur le dos, leurs pains sous le bras. Et la cohue s'engouffrait dans Paris où elle se noyait continuellement. Lorsque Gervaise, parmi tout ce monde, croyait reconnaître l'entier, elle se penchait davantage, au risque de tomber. Puis, elle appuyait plus fortement son mouchoir sur la bouche, comme pour renfoncer sa douleur. Une voix jeune et gaie lui fit quitter la fenêtre. « Le bourgeois n'est donc pas là, madame l'entier ?»« Mais non, monsieur Coupeau, » répondit-elle en tâchant de sourire. C'était un ouvrier zingueur qui occupait, tout en haut de l'hôtel, un cabinet de 10 francs. Il avait son sac passé à l'épaule. Ayant trouvé la clé sur la porte, il était entré en ami. « Vous savez, » continua-t-il maintenant, « je travaille là, à l'hôpital. Hein ? Quel joli mois de mai ! Ça pique dur ce matin !» Et il regardait le visage de Gervaise, rougi par les larmes. Quand il vit que le lit n'était pas défait, il hocha doucement la tête. Puis, il vint jusqu'à la couchette des enfants qui dormaient toujours avec leur mine rose de chérubin, et, baissant la voix, « Allons, le bourgeois n'est pas sage, n'est-ce pas ? Ne vous désolez pas, madame l'entier, il s'occupe beaucoup de politique. L'autre jour, quand on a voté pour Eugène Sue, un bon, paraît-il, il était comme un fou. Peut-être bien qu'il a passé la nuit avec des amis à dire du mal de cette crapule de Bonaparte. « Non, non, murmura-t-elle avec effort, ce n'est pas ce que vous croyez, je sais où est l'entier. » Nous avons nos chagrins, comme tout le monde, mon Dieu. » Coupeau cligna des yeux, pour montrer qu'il n'était pas dupe de ce mensonge. Et il partit, après lui avoir offert d'aller chercher son lait, si elle ne voulait pas sortir. Elle était une belle et brave femme, elle pouvait compter sur lui, le jour où elle serait dans la peine. Gervaise, dès qu'il se fut éloigné, se remit à la fenêtre. À la barrière, le piétinement de troupeaux continuait, dans le froid du matin. On reconnaissait les serruriers à leurs bourgerons bleus, les maçons à leurs cottes blanches, les peintres à leurs paletots, sous lesquels de longues blouses passaient. Cette foule, de loin, gardait un effacement plâtreux, un ton neutre, où dominait le bleu déteint et le gris sale. Par moments, un ouvrier s'arrêtait, rallumait sa pipe, tandis qu'autour de lui, les autres marchaient toujours, sans un rire, sans une parole dite à un camarade, les joues terreuses, la face tendue vers Paris, qui, un à un, les dévorait par la rue béante du faubourg Poissonnière. Cependant, aux deux coins de la rue des Poissonniers, à la porte des deux marchands de vin qui enlevaient leurs volets, des hommes ralentissaient le pas. Et, avant d'entrer, ils restaient au bord du trottoir, avec des regards obliques sur Paris, les bras mous, déjà gagnés à une journée de flâne. Devant les comptoirs, des groupes s'offraient des tournées, s'oubliaient là, debout, emplissant les salles, crachant, toussant, s'éclaircissant la gorge à coups de petits verres. Gervaise guettait, à gauche de la rue, la salle du père Colombe, où elle pensait avoir vu l'entier. Lorsqu'une grosse femme, nu-tête, en tablier, l'interpella du milieu de la chaussée. « Dites donc, madame Lantier, vous êtes bien matinale. » Gervaise se pencha. « Tiens, c'est vous, madame Boche. Oh, j'ai un tas de besogne aujourd'hui. » « Oui, n'est-ce pas, les choses ne se font pas toutes seules. » Et une conversation s'engagea, de la fenêtre au trottoir. Madame Boche était concierge de la maison, dont le restaurant du veau à deux têtes occupait le rez-de-chaussée. Plusieurs fois, Gervaise avait attendu Lantier dans sa loge, pour ne pas s'attabler seule avec tous les hommes qui mangeaient, à côté. La concierge raconta qu'elle allait à deux pas, rue de la Charbonnière, pour trouver au lit un employé, dont son mari ne pouvait tirer le raccommodage d'une redingote. Ensuite, elle parla d'un de ses locataires qui était rentré avec une femme la veille et qui avait empêché le monde de dormir jusqu'à 3 heures du matin. Mais, tout en bavardant, elle dévisageait la jeune femme d'un air de curiosité aiguë. Et elle semblait n'être venue là, se poser sous la fenêtre, que pour savoir. « Monsieur Lantier est donc encore couché ?» demanda-t-elle brusquement. « Oui, il dort, » répondit Gervaise qui ne put s'empêcher de rougir. Madame Boche vit les larmes lui remonter aux yeux. Et satisfaite sans doute, elle s'éloignait en traitant les hommes de sacrés fainéants, lorsqu'elle revint pour crier. « C'est ce matin que vous allez au lavoir, n'est-ce pas ? J'ai quelque chose à laver, je vous garderai une place à côté de moi et nous causerons. » Puis, comme prise d'une subite pitié. « Ma pauvre petite, vous feriez bien mieux de ne pas rester là. Vous prendrez du mal. Vous êtes violette. » Gervaise s'entêta encore à la fenêtre pendant 2 mortelles heures, jusqu'à 8 heures. Les boutiques s'étaient ouvertes. Le flot de blouses descendant des hauteurs avait cessé. Et seuls quelques retardataires franchissaient la barrière à grandes enjambées. Chez les marchands de vin, les mêmes hommes, debout, continuaient à boire, à tousser et à cracher. Aux ouvriers avaient succédé les ouvrières, les brunisseuses, les modistes, les fleuristes, se serrant dans leurs minces vêtements, trottant le long des boulevards extérieurs. Elles allaient par bandes de 3 ou 4, causer vivement, avec de légers rires et des regards luisants jetés autour d'elle. De loin en loin, une, toute seule, maigre, l'air pâle et sérieux, suivait le mur de l'octroi en évitant les coulées d'ordures. Puis, les employés étaient passés, soufflant dans leurs doigts, mangeant leur pain d'un sou en marchant. Des jeunes gens efflanqués, aux habits trop courts, aux yeux battus, tout brouillé de sommeil. De petits vieux qui roulaient sur leurs pieds, la face blême, usée par les longues heures du bureau, regardant leur montre pour régler leur marche à quelques secondes près. Et les boulevards avaient pris leur paix du matin. Les rentiers du voisinage se promenaient au soleil. Les mères, en cheveux, en jupe sale, berçaient dans leurs bras des enfants au maillot, qu'elle changeait sur les bancs, toute une marmaille mal mouchée, débraillée, se bousculait, se traînait par terre au milieu de piaulements, de rires et de pleurs. Alors, Gervaise se sentit étouffée, saisie d'un vertige d'angoisse, à bout d'espoir. Il lui semblait que tout était fini, que les temps étaient finis, que Lantier ne rentrerait plus jamais. Elle allait, les regards perdus, des vieux abattoirs noirs de leur massacre et de leur puanteur, à l'hôpital neuf, blafard, montrant par les trous encore béants de ses rangées de fenêtres des salles nues où la mort devait faucher. En face d'elle, derrière le mur de l'octroi, le ciel éclatant, Le lever de soleil qui grandissait au-dessus du réveil énorme de Paris l'éblouissait. La jeune femme était assise sur une chaise, les mains abandonnées, ne pleurant plus. Lorsque Lantier entra tranquillement. « C'est toi ! C'est toi ! » cria-t-elle en voulant se jeter à son cou. « Oui, c'est moi, après !» répondit-il. « Tu ne vas pas commencer tes bêtises, peut-être ?» Il l'avait écartée. Puis, d'un geste de mauvaise humeur, il lança à la volée son chapeau de feutre noir sur la commode. C'était un garçon de 26 ans, petit, très brun, d'une jolie figure, avec de minces moustaches, qu'il frisait toujours d'un mouvement machinal de la main. Il portait une cotte d'ouvrier, une vieille redingote tachée qu'il pinçait à la taille, et avait en parlant un accent provençal très prononcé. Gervaise, retombée sur la chaise, se plaignait doucement, par courtes phrases. « Je n'ai pas pu fermer l'œil. Je croyais qu'on t'avait donné un mauvais coup. Où es-tu allée? Où as-tu passé la nuit? Mon Dieu, ne recommence pas, je deviendrai folle. Dis, Auguste, où es-tu allée? Où j'avais affaire, parbleu, dit-il avec un haussement d'épaule. J'étais à 8 heures à la glacière, chez cet ami qui doit monter une fabrique de chapeaux. Je me suis attardée, alors j'ai préféré coucher. Puis, tu sais, je n'aime pas qu'on me moucharde. Fiche-moi la paix. » La jeune femme se remit à sangloter. Les éclats de voix, les mouvements brusques de Lantier, qui culbutaient les chaises, venaient de réveiller les enfants. Ils se dressèrent sur leur séant, demi-nus, débrouillant leurs cheveux de leurs petites mains. Et, entendant pleurer leur mère, ils poussèrent des cris terribles, pleurant eux aussi de leurs yeux à peine ouverts. « Ah, voilà la musique !» s'écria Lantier furieux. « Je vous avertis, je reprends la porte, moi, et je file pour de bon, cette fois. Vous ne voulez pas vous taire ? Bonsoir, je retourne d'où je viens. » Il avait déjà repris son chapeau sur la commode, mais Gervaise se précipita, balbutiant « Non, non !» Et elle étouffa les larmes des petits sous des caresses. Elle baisait leurs cheveux, elle les recouchait avec des paroles tendres. Les petits, calmés tout d'un coup, riant sur l'oreiller, s'amusèrent à se pincer. Cependant, le père, sans même retirer ses bottes, s'était jeté sur le lit, l'air éreinté, la face marbrée par une nuit blanche. Il ne s'endormit pas, il resta les yeux grands ouverts, à faire le tour de la chambre. « C'est propre ici, » murmura-t-il. Puis, après avoir regardé un instant Gervaise, il ajouta méchamment « Tu ne te débarbouilles donc plus ?» Gervaise n'avait que 22 ans. Elle était grande, un peu mince, avec des traits fins, déjà tirés par les rudesses de sa vie. Dépeignée, en savate, grelottant sous sa camisole blanche où les meubles avaient laissé de leur poussière et de leur graisse, elle semblait vieillie de 10 ans par les heures d'angoisse et de larmes qu'elle venait de passer. Le mot de Lantier la fit sortir de son attitude peureuse et résignée. « Tu n'es pas juste, » dit-elle en s'animant. « Tu sais bien que je fais tout ce que je peux. Ce n'est pas ma faute si nous sommes tombés ici. Je voudrais te voir, avec les 2 enfants, dans une pièce où il n'y a pas même un fourneau pour avoir de l'eau chaude. Il fallait, en arrivant à Paris, au lieu de manger ton argent, nous établir tout de suite, comme tu l'avais promis. « Dis donc, » cria-t-il, « tu as croqué le magot avec moi. Ça ne te va pas aujourd'hui de cracher sur les bons morceaux ?» Mais elle ne parut pas l'entendre. Elle continua. « Enfin, avec du courage, on pourra encore s'en tirer. J'ai vu hier soir Madame Fauconnier, la blanchisseuse de la rue Neuve. Elle me prendra lundi. Si tu te mets avec ton ami de la glacière, nous reviendrons sur l'eau avant 6 mois. Le temps de nous niper et de louer un trou quelque part où nous serons chez nous. Oh, il faudra travailler, travailler. » Lantier se tourna vers la ruelle, d'un air d'ennui. Gervaise alors s'emporta. « Oui, c'est ça. On sait que l'amour du travail ne t'étouffe guère. Tu crèves d'ambition. Tu voudrais être habillée comme un monsieur et promener des catins en jupe de soie, n'est-ce pas ? Tu ne me trouves plus assez bien depuis que tu m'as fait mettre toutes mes robes au Mont-de-Piété. Tiens, Auguste, je ne voulais pas t'en parler. J'aurais attendu encore. Mais je sais où tu as passé la nuit. Je t'ai vu entrer au grand balcon avec cette traînée d'Adèle. Ha ! Tu l'es choisie bien. Elle est propre, celle-là. Elle a raison de prendre des airs de princesse. Elle a couché avec tout le restaurant. » D'un saut, Lantier se jeta à bas du lit. Ses yeux étaient devenus d'un noir d'encre dans son visage blême. Chez ce petit homme, la colère soufflait une tempête. « Oui, oui, avec tout le restaurant !» répéta la jeune femme. « Madame Boche va leur donner congé, à elle et à sa grande bringue de sœur, parce qu'il y a toujours une queue d'homme dans l'escalier. » Lantier leva les deux poings. Puis, résistant au besoin de la battre, il lui saisit les bras, la secoua violemment, l'envoya tomber sur le lit des enfants, qui se mirent de nouveau à crier. Et il se recoucha, en bégayant, de l'air farouche d'un homme qui prend une résolution devant laquelle il hésitait encore. « Tu ne sais pas ce que tu viens de faire, Gervaise. Tu as eu tort. Tu verras. » Pendant un instant, les enfants sanglotèrent. Leur mère, restée ployée au bord du lit, les tenait dans une même étreinte. Et elle répétait cette phrase à 20 reprises, d'une voix monotone. « Ah, si vous n'étiez pas là, mes pauvres petits, si vous n'étiez pas là, si vous n'étiez pas là !» Tranquillement allongé, les yeux levés au-dessus de lui, sur le lambeau de perse déteinte, Lantier n'écoutait plus, s'enfonçait dans une idée fixe. Il resta ainsi près d'une heure, sans céder au sommeil, malgré la fatigue qui appesantissait ses paupières. Quand il se retourna, s'appuyant sur le coude, la face dure et déterminée, Gervaise achevait de ranger la chambre. Elle faisait le lit des enfants qu'elle venait de lever et d'habiller. Il la regarda donner un coup de balai, essuyer les meubles. La pièce restait noire, lamentable, avec son plafond fumeux, son papier décollé par l'humidité, ses trois chaises et sa commode éclopée, où la crasse s'entêtait et s'étalait sous le torchon. Puis, pendant qu'elle se lavait à grande eau, après avoir rattaché ses cheveux devant le petit miroir rond pendu à l'espagnolette qui lui servait pour se raser, il parut examiner ses bras nus, son cou nu, tout le nu qu'elle montrait, comme si des comparaisons s'établissaient dans son esprit. Et il eut une moue des lèvres. Gervaise boitait de la jambe droite, mais on ne s'en apercevait guère que les jours de fatigue, quand elle s'abandonnait, les hanches brisées. Ce matin-là, rompue par sa nuit, elle traînait sa jambe, elle s'appuyait au mur. Le silence régnait. Il n'avait plus échangé une parole. Lui semblait attendre. Elle, rongeant sa douleur, s'efforçant d'avoir un visage indifférent, se hâtait. Comme elle faisait un petit paquet de linge sale jeté dans un coin, derrière la malle, il ouvrit enfin les lèvres. Il demanda. « Qu'est-ce que tu fais ? Où vas-tu ? » Elle ne répondit pas d'abord. Puis, lorsqu'il répéta sa question, furieusement, elle se décida. « Tu le vois bien, peut-être. Je vais laver tout ça. Les enfants ne peuvent pas vivre dans la crotte. » Il lui laissa ramasser deux ou trois mouchoirs. Et au bout d'un nouveau silence, il reprit. « Est-ce que tu as de l'argent ?» Du coup, elle se releva, le regarda en face, sans lâcher les chemises sales des petits qu'elle tenait à la main. « De l'argent ! Où veux-tu donc que je l'ai volé ? Tu sais bien que j'ai eu 3 francs avant-hier sur ma jupe noire. Nous avons déjeuné 2 fois là-dessus, et l'on va vite avec la charcuterie. Non, sans doute, je n'ai pas d'argent. J'ai 4 sous pour l'avoir. Je n'en gagne pas comme certaines femmes. » Il ne s'arrêta pas à cette allusion. Il était descendu du lit. Il passait en revue les quelques loques pendues autour de la chambre. Enfin, il décrocha le pantalon et le châle, ouvrit la commode, ajouta au paquet une camisole et deux chemises de femme. Puis, jetant le tout sur les bras de Gervaise, « Tiens, porte ça au clou. »« Tu ne veux pas que je porte aussi les enfants ?» demanda-t-elle. « Hein ? Si l'on prêtait sur les enfants, ce serait un fameux débarras. » Elle alla au Mont-de-Piété pourtant. Quand elle revint au bout d'une demi-heure, elle posa une pièce de 100 sous sur la cheminée, en joignant la reconnaissance aux autres entre les deux flambeaux. « Voilà ce qu'ils m'ont donné, » dit-elle. « Je voulais 6 francs, mais il n'y a pas eu moyen. Oh, ils ne se ruineront pas. Et l'on trouve toujours un monde là-dedans. » Lantier ne prit pas tout de suite la pièce de 100 sous. Il aurait voulu qu'elle fît de la monnaie pour lui laisser quelque chose. Mais il se décida à la glisser dans la poche de son gilet, quand il vit, sur la commode, un reste de jambon dans un papier avec un bout de pain. « Je ne suis point allée chez la laitière, parce que nous lui devons 8 jours, » expliqua Gervaise. « Mais je reviendrai de bonne heure. Tu descendras chercher du pain et des côtelettes panées pendant que je ne serai pas là, et nous déjeunerons. Monte aussi 1 litre de vin. » Il ne dit pas non. La paix semblait se faire. La jeune femme achevait de mettre en paquet le linge sale. Mais quand elle voulut prendre les chemises et les chaussettes de Lantier au fond de la malle, il lui cria de laisser ça. « Laisse mon linge, entends-tu ? Je ne veux pas. »« Qu'est-ce que tu ne veux pas ? » demanda-t-elle en se redressant. « Tu ne comptes pas, sans doute, remettre ces pourritures. Il faut bien les laver. » Et elle l'examinait, inquiète, retrouvant sur son visage de joli garçon la même dureté, comme si rien, désormais, ne devait le fléchir. Il se fâcha, lui arracha des mains le linge qu'il rejeta dans la malle. « Tonnerre de Dieu, obéis-moi donc une fois, quand je te dis que je ne veux pas. »« Mais pourquoi ? » reprit-elle, pâlissante, effleurée d'un soupçon terrible. « Tu n'as pas besoin de tes chemises maintenant, tu ne vas pas partir. Qu'est-ce que ça peut te faire que je les emporte ?» Il hésita un instant, gêné par les yeux ardents qu'elle fixait sur lui. « Pourquoi ? Pourquoi ? » bégayait-il. « Parbleu, tu vas dire partout que tu m'entretiens, que tu laves, que tu raccommodes. Eh bien, ça m'embête, là. Fais tes affaires, je ferai les miennes. Les blanchisseuses ne travaillent pas pour les chiens. » Elle le supplia, se défendit de s'être jamais plainte. Mais il ferma la malle brutalement, s'assit dessus, lui cria « Non !» dans la figure. Il était bien le maître de ce qui lui appartenait. Puis, pour échapper au regard dont elle le poursuivait, il retourna s'étendre sur le lit en disant qu'il avait sommeil et qu'elle ne lui cassa pas la tête davantage. Cette fois, en effet, il parut s'endormir. Gervaise resta un moment indécise. Elle était tentée de repousser du pied le paquet de linge, de s'asseoir là, à coudre. La respiration régulière de Lantier finit par la rassurer. Elle prit la boule de bleu et le morceau de savon qui lui restait de son dernier savonnage. Et, s'approchant des petits qui jouaient tranquillement avec de vieux bouchons devant la fenêtre, elle les baisa en leur disant à voix basse « Soyez bien sages, ne faites pas de bruit, papa dort. » Quand elle quitta la chambre, les rires adoucis de Claude et d'Étienne sonnaient seuls dans le grand silence, sous le plafond noir. Il était 10 heures. Un ray de soleil entrait par la fenêtre entr'ouverte. Sur le boulevard, Gervaise tourna à gauche et suivit la rue Neuve de la Goutte d'Or. En passant devant la boutique de Madame Fauconnier, elle salua d'un petit signe de tête. Le lavoir était situé vers le milieu de la rue, à l'endroit où le pavé commençait à monter. Au-dessus d'un bâtiment plat, 3 énormes réservoirs d'eau, des cylindres de zinc fortement boulonnés, montraient leur rondeur grise. Tandis que, derrière, s'élevait le séchoir, un 2e étage très haut, clos de tous les côtés par des persiennes à lames minces, au travers desquelles passait le grand air, et qui laissait voir des pièces de linge séchant sur des fils de laiton. À droite des réservoirs, le tuyau étroit de la machine à vapeur soufflait, d'une haleine rude et régulière, des jets de fumée blanche. Gervaise, sans retrousser ses jupes, en femme habituée aux flaques, s'engagea sous la porte encombrée de jarres d'eau de Javel. Elle connaissait déjà la maîtresse du lavoir, une petite femme délicate, aux yeux malades, assise dans un cabinet vitré avec des registres devant elle, des pains de savon sur des étagères, des boules de bleu dans des bocaux, des livres de bicarbonate de soude en paquets. Et en passant, elle lui réclama son battoir et sa brosse, qu'elle lui avait donnée à garder lors de son dernier savonnage. Puis, après avoir pris son numéro, elle entra. C'était un immense hangar, à plafond plat, à poutres apparentes, monté sur des piliers de fonte fermés par de larges fenêtres claires. Un plein jour blafard passait librement dans la buée chaude, suspendu comme un brouillard laiteux. Des fumées montaient de certains coins, s'étalant, noyant les fonds d'un voile bleuâtre. Il pleuvait une humidité lourde, chargée d'une odeur savonneuse, une odeur fade, moite, continue. Et par moments, des souffles plus forts d'eau de Javel dominaient. Le long des batteries, aux deux côtés de l'allée centrale, il y avait des files de femmes, les bras nus jusqu'aux épaules, le cou nu, les jupes raccourcies montrant des bas de couleur et de gros souliers lacés. Elles tapaient furieusement, riaient, se renversaient pour crier un mot dans le vacarme, se penchaient au fond de leur baquet, ordurières, brutales, dégingandées, trempées comme par une averse, les chairs rougies et fumantes. Autour d'elles, sous elles, coulait un grand ruissellement, les seaux d'eau chaude promenés et vidés d'un trait, les robinets d'eau froide ouverts, pissant de haut, les éclaboussements des battoirs, les égouttures des linges rincés, les mares où elles pataugeaient s'en allant par petits ruisseaux sur les dalles en pente. Et au milieu des cris, des coups cadencés, du bruit murmurant de pluie, de cette clameur d'orage s'étouffant sous le plafond mouillé, la machine à vapeur, à droite, toute blanche d'une rosée fine, haletait et ronflait sans relâche, avec la trépidation dansante de son volant qui semblait régler l'énormité du tapage. Cependant, Gervaise, à petits pas, suivait l'allée, en jetant des regards à droite et à gauche. Elle portait son paquet de linge passé au bras, la hanche haute, boitant plus fort, dans le va-et-vient des laveuses qui la bousculaient. « Hé, par ici, ma petite !» cria la grosse voix de Madame Boche. Puis, quand la jeune femme l'eut rejointe, à gauche, tout au bout, la concierge, qui frottait furieusement une chaussette, se mit à parler par courtes phrases, sans lâcher sa besogne. « Mettez-vous là, je vous ai gardé votre place. »« Oh, je n'en ai pas pour longtemps. » « Boche ne salit presque pas son linge. »« Et vous, ça ne va pas traîner non plus, hein ? Il est tout petit, votre paquet. »« Avant midi, nous aurons expédié ça, et nous pourrons aller déjeuner. »« Moi, je donnais mon linge à une blanchisseuse de la rue Poulet, mais elle m'emportait tout avec son chlore et ses brosses. Alors je lave moi-même. C'est tout gagné. Ça ne coûte que le savon. »« Dites donc !» Voilà des chemises que vous auriez dû mettre à couler. Ces gueux d'enfants, ma parole, ça a de la suie derrière. » Gervaise défaisait son paquet, étalait des chemises des petits, et comme Madame Boche lui conseillait de prendre un seau d'eau de lessive, elle répondit « Oh non, l'eau chaude suffira, ça me connaît. » Elle avait trié le linge, mis à part les quelques pièces de couleur. Puis, après avoir rempli son baquet de 4 seaux d'eau froide, pris au robinet, derrière elle, elle plongea le tas du linge blanc. Et, relevant sa jupe, la tirant entre ses cuisses, elle entra dans une boîte, posée debout, qui lui arrivait au ventre. « Ça vous connaît, hein ? » répétait Madame Boche. « Vous étiez blanchisseuse dans votre pays, n'est-ce pas, ma petite ? » Gervaise, les manches retroussées, montrant ses beaux bras de blonde, jeunes encore, à peine rosés aux coudes, commençait à décrasser son linge. Elle venait d'étaler une chemise sur la planche étroite de la batterie, mangée et blanchie par l'usure de l'eau. Elle la frottait de savon, la retournait, la frottait de l'autre côté. Avant de répondre, elle empoigna son battoir, se mit à taper, criant ses phrases, les ponctuant à coups rudes et cadencés. « Oui, oui, blanchisseuse, à 10 ans. Il y a 12 ans de ça. Nous allions à la rivière. Ça sentait meilleur qu'ici. Il fallait voir, il y avait un coin sous les arbres, avec de l'eau claire qui courait. Vous savez, à Plassans. Vous connaissez pas Plassans? Près de Marseille. » « C'est du chien, ça !» s'écria Madame Boche, émerveillée de la rudesse des coups de battoir. « Quelle matine! Elle vous a platiré du fer avec ses petits bras de demoiselle !» La conversation continua, très haut. La concierge, parfois, était obligée de se pencher, n'entendant pas. Tout le linge blanc fut battu et ferme. Gervaise le replongea dans le baquet, le reprit pièce par pièce, pour le frotter de savon une seconde fois et le brosser. D'une main, elle fixait la pièce sur la batterie. De l'autre main, qui tenait la courte brosse de chien-dent, elle tirait du linge une mousse sale, qui, par longue bavure, tombait. Alors, dans le petit bruit de la brosse, elles se rapprochèrent. Elles causèrent d'une façon plus intime. « Non, nous ne sommes pas mariés, » reprit Gervaise. Moi, je ne m'en cache pas. Lantier n'est pas si gentil pour qu'on souhaite d'être sa femme. S'il n'y avait pas les enfants, allez. J'avais 14 ans et lui 18 quand nous avons eu notre premier. L'autre est venu 4 ans plus tard. C'est arrivé comme ça arrive toujours, vous savez. Je n'étais pas heureuse chez nous. Le père Macquart, pour un oui, pour un non, m'a allongé les coups de pied dans les reins. Alors, ma foi, on songe à s'amuser dehors. On nous aurait mariés, mais je ne sais plus, nos parents n'ont pas voulu. » Elle secoua ses mains, qui rougissaient sous la mousse blanche. « L'eau est joliment dure à Paris, » dit-elle. Madame Boche ne lavait plus que mollement. Elle s'arrêtait, faisant durer son savonnage, pour rester là, à connaître cette histoire qui torturait sa curiosité depuis 15 jours. Sa bouche était à demi ouverte dans sa grosse face. Ses yeux, à fleur de tête, luisaient. Elle pensait, avec la satisfaction d'avoir deviné. « C'est ça, la petite cause trop. Il y a eu du grabuge. » Puis tout haut. « Il n'est pas gentil, alors ?»« Ne m'en parlez pas, » répondit Gervaise. Il était très bien pour moi là-bas, mais depuis que nous sommes à Paris, je ne peux plus en venir à bout. Il faut vous dire que sa mère est morte l'année dernière, en lui laissant quelque chose, 1700 francs à peu près. Il voulait partir pour Paris. Alors, comme le père Macquart m'envoyait toujours des gifles sans crier gare, j'ai consenti à m'en aller avec lui. Nous avons fait le voyage avec les 2 enfants. Il devait m'établir blanchisseuse et travailler de son état de chapelier. Nous aurions été très heureux. Mais, voyez-vous, Lantier est un ambitieux, un dépensier, un homme qui ne songe qu'à son amusement. Il ne vaut pas grand-chose, enfin. Nous sommes donc descendus à l'hôtel Montmartre, rue Montmartre. Et ça a été des dîners, des voitures, le théâtre, une montre pour lui, une robe de soie pour moi. Car il n'a pas mauvais cœur quand il a de l'argent. Vous comprenez, tout le tremblement, si bien qu'au bout de 2 mois, nous étions nettoyés. C'est à ce moment-là que nous sommes venus habiter l'hôtel Boncoeur et que la sacrée vie a commencé. » Elle s'interrompit, serrée tout d'un coup à la gorge, rentrant ses larmes. Elle avait fini de brosser son linge. « Il faut que j'aille chercher mon eau chaude, » murmura-t-elle. Mais Madame Boche, très contrariée de cet arrêt dans les confidences, appela le garçon du lavoir qui passait. Mon petit Charles, vous serez bien gentil. Allez donc chercher un seau d'eau chaude à madame, qui est pressée. » Le garçon prit le seau et le rapporta plein. Gervaise paya. C'était un sou le seau. Elle versa l'eau chaude dans le baquet et savonna le linge une dernière fois avec les mains, se ployant au-dessus de la batterie, au milieu d'une vapeur qui accrochait des filets de fumée grise dans ses cheveux blonds. « Tenez, mettez donc des cristaux, j'en ai là !» dit obligeamment la concierge. Et elle vida dans le baquet de Gervaise le fond d'un sac de carbonate de soude qu'elle avait apporté. Elle lui offrit aussi de l'eau de Javel, mais la jeune femme refusa. C'était bon pour les taches de graisse et les taches de vin. « Je le crois un peu coureur, » reprit madame Bosch en revenant à l'entier, sans le nommer. Gervaise, les reins en deux, les mains enfoncées et crispées dans le linge, se contenta de hocher la tête. « Oui, oui, » continua l'autre, « je me suis aperçue de plusieurs petites choses. » Mais elle se récria devant le brusque mouvement de Gervaise qui s'était relevée, toute pâle en la dévisageant. « Oh non, je ne sais rien. Il aime à rire, je crois, voilà tout. Ainsi, les deux filles qui logent chez vous, Adèle et Virginie, vous les connaissez? Eh bien, il plaisante avec elles, et ça ne va pas plus loin, j'en suis sûre. » La jeune femme, droite devant elle, la face en sueur, les bras ruisselants, la regardait toujours, d'un regard fixe et profond. Alors la concierge se fâcha, s'appliqua un coup de poing sur la poitrine en donnant sa parole d'honneur. Elle criait « Je ne sais rien, là, quand je vous le dis !» Puis, se calmant, elle ajouta d'une voix doucereuse, comme on parle à une personne à qui la vérité ne vaudrait rien. « Moi, je trouve qu'il a les yeux francs. Il vous épousera, ma petite, je vous le promets. » Gervaise s'essuya le front de sa main mouillée. Puis, elle tira de l'eau une autre pièce de linge, en hochant de nouveau la tête. Un instant, toutes deux gardèrent le silence. Autour d'elles, le lavoir s'était apaisé. 11 heures sonnaient. La moitié des laveuses, assises d'une jambe au bord de leur baquet, avec un litre de vin débouché à leurs pieds, mangeaient des saucisses dans des morceaux de pain fendu. Seules, les ménagères venues là pour laver leur petit paquet de linge se hâtaient, en regardant l'œil de bœuf accroché au-dessus du bureau. Quelques coups de battoir partaient encore, espacés, au milieu des rires adoucis, des conversations qui s'empâtaient dans un bruit glouton de mâchoire. Tandis que la machine à vapeur, allant son train, sans repos ni trêve, semblait hausser la voix, vibrante, ronflante, en plissant l'immense salle. Mais pas une des femmes ne l'entendait. C'était comme la respiration même du lavoir. Une haleine ardente, amassant sous les poutres du plafond l'éternelle buée qui flottait. La chaleur devenait intolérable. Des raies de soleil entraient à gauche, par les hautes fenêtres, allumant les vapeurs fumantes de nappes opalisées, d'un gris rose et d'un gris bleu très tendre. Et, comme des plaintes s'élevaient, le garçon Charles allait d'une fenêtre à l'autre, tirer des stores de grosses toiles. Ensuite, il passa de l'autre côté, du côté de l'ombre, et ouvrit des vasistas. On l'acclamait, on battait des mains. Une gaieté formidable roulait. Bientôt, les derniers battoirs eux-mêmes se turent. Les laveuses, la bouche pleine, ne faisaient plus que des gestes avec les couteaux ouverts qu'elles tenaient au poing. Le silence devenait tel qu'on entendait régulièrement, tout au bout, le grincement de la pelle du chauffeur, prenant du charbon de terre et le jetant dans le fourneau de la machine. Cependant, Gervaise lavait son linge de couleur dans l'eau chaude, grâce de savon qu'elle avait conservé. Quand elle eut fini, elle approcha un tréteau, jeta en travers toutes les pièces qui faisaient par terre des mares bleuâtres, et elle commença à rincer. Derrière elle, le robinet d'eau froide coulait au-dessus d'un vaste baquet fixé au sol, et que traversaient deux barres de bois pour soutenir le linge. Au-dessus, en l'air, deux autres barres passaient où le linge achevait de s'égoutter. « Voilà qui va être fini. Ce n'est pas malheureux, » dit Madame Boche. « Je reste pour vous aider à tordre tout ça. » « Oh, ce n'est pas la peine, je vous remercie bien, » répondit la jeune femme, qui pétrissait de ses poings et barbotait les pièces de couleur dans l'eau claire. « Si j'avais des draps, je ne dis pas. » Mais il lui fallut pourtant accepter l'aide de la concierge. Elles tordaient toutes deux, chacune à un bout, une jupe, un petit lainage marron mauvais teint, d'où sortait une eau jaunâtre, lorsque Madame Boche s'écria « Tiens, la grande Virginie! Qu'est-ce qu'elle vient laver ici, celle-là, avec ses quatre guenilles dans un mouchoir ?» Gervaise avait vivement levé la tête. Virginie était une fille de son âge, plus grande qu'elle, brune, jolie, malgré sa figure un peu longue. Elle avait une vieille robe noire à volant, un ruban rouge au cou, et elle était coiffée avec soin, le chignon pris dans un filet en chenille bleue. Un instant, au milieu de l'allée centrale, elle pinça les paupières, ayant l'air de chercher. Puis, quand elle eut aperçu Gervaise, elle vint passer près d'elle, raide, insolente, balançant ses hanches, et s'installa sur la même rangée, à 5 baquets de distance. « En voilà un caprice !» continuait Madame Boche, à voix plus basse. « Jamais elle ne savonne une paire de manches. Ah, une fameuse fainéante, je vous en réponds. Une couturière qui ne recoupe pas seulement ses bottines. C'est comme sa sœur, la brunisseuse, cette gredine d'Adèle, qui manque l'atelier 2 jours sur 3. Ça n'a ni père ni mère connu, sa vie d'on ne sait quoi. Et si l'on voulait parler... Qu'est-ce qu'elle frotte donc là, hein? C'est un jupon? Il est joliment dégoûtant. Il a dû en voir de propre, ce jupon. » Madame Boche, évidemment, voulait faire plaisir à Gervaise. La vérité était qu'elle prenait souvent le café avec Adèle et Virginie, quand les petites avaient de l'argent. Gervaise ne répondait pas, se dépêchait, les mains fiévreuses. Elle venait de faire son bleu dans un petit baquet monté sur 3 pieds. Elle trempait ses pièces de blanc, les agitait un instant au fond de l'eau teintée, dont le reflet prenait une pointe de lac. Et, après les avoir tordues légèrement, elle les alignait sur les barres de bois, en haut. Pendant toute cette besogne, elle affectait de tourner le dos à Virginie. Mais elle entendait des ricanements. Elle sentait sur elle ses regards obliques. Virginie semblait n'être venue que pour la provoquer. Un instant, Gervaise s'étant retournée, elles se regardèrent toutes deux fixement. « Laissez-la donc, » murmura Madame Boche. « Vous n'allez peut-être pas vous prendre aux cheveux. Quand je vous dis qu'il n'y a rien, ce n'est pas elle, là. » À ce moment, comme la jeune femme pendait sa dernière pièce de linge, il y eut des rires à la porte du lavoir. « C'est deux gosses qui demandent maman !» cria Charles. Toutes les femmes se penchèrent. Gervaise reconnut Claude et Étienne. Dès qu'ils l'aperçurent, ils coururent à elle, au milieu des flaques, tapant sur les dalles les talons de leurs souliers dénoués. Claude, l'aîné, donnait la main à son petit frère. Les laveuses, sur leur passage, avaient de légers cris de tendresse, à les voir un peu effrayés, souriant pourtant. Et ils restèrent là, devant leur mère, sans se lâcher, levant leur tête blonde. « C'est papa qui vous envoie ?» demanda Gervaise. Mais comme elle se baissait pour rattacher les cordons des souliers d'Étienne, elle vit, à un doigt de Claude, la clé de la chambre avec son numéro de cuivre qu'il balançait. « Tiens, tu m'apportes la clé ? » dit-elle, très surprise. « Pourquoi donc ?» L'enfant, en apercevant la clé qu'il avait oubliée à son doigt, parut se souvenir et cria de sa voix claire « Papa est parti !» « Il est allé acheter le déjeuner. Il vous a dit de venir me chercher ici ?» Claude regarda son frère, hésita, ne sachant plus. Puis il reprit d'un trait. Papa est parti. Il a sauté du lit, il a mis toutes ses affaires dans la malle, il a descendu la malle sur une voiture, et il est parti. » Gervaise, accroupie, se releva lentement, la figure blanche, portant les mains à ses joues et à ses tempes, comme si elle entendait sa tête craquer. Et elle ne put trouver qu'un mot. Elle le répéta 20 fois sur le même ton. « Ah, mon Dieu ! Ah, mon Dieu ! Ah, mon Dieu !» Madame Boche, cependant, interrogeait l'enfant à son tour, tout allumée de se trouver dans cette histoire. « Voyons, mon petit, il faut dire les choses. C'est lui qui a fermé la porte et qui vous a dit d'apporter la clé, n'est-ce pas ?» Et baissant la voix à l'oreille de Claude. « Est-ce qu'il y avait une dame dans la voiture ?» L'enfant se troubla de nouveau. Il recommença son histoire d'un air triomphant. « Il a sauté du lit, il a mis toutes les affaires dans la malle, il est parti !» Alors, comme Madame Boche le laissait aller, il tira son frère devant le robinet. Ils s'amusèrent tous les deux à faire couler l'eau. Gervaise ne pouvait pleurer. Elle étouffait, les reins appuyés contre son baquet, le visage toujours entre les mains. De courts frissons la secouaient. Par moments, un long soupir passait, tandis qu'elle s'enfonçait davantage les poings sur les yeux, comme pour s'anéantir dans le noir de son abandon. C'était un trou de ténèbres au fond duquel il lui semblait tomber. « Allons, ma petite, que diable !» murmurait Madame Boche. « si vous saviez !» dit-elle enfin tout bas. « Il m'a envoyé ce matin porter mon châle et mes chemises au Mont-de-Piété pour payer cette voiture. » Et elle pleura. Le souvenir de sa course au Mont-de-Piété, en précisant un fait de la matinée, lui avait arraché les sanglots qui s'étranglaient dans sa gorge. Cette course-là, c'était une abomination, la grosse douleur dans son désespoir. Les larmes coulaient sur son menton que ses mains avaient déjà mouillé, sans qu'elle songeât seulement à prendre son mouchoir. « Soyez raisonnable, taisez-vous, on vous regarde !» répétait Madame Boche qui s'empressait autour d'elle. « Est-il possible de se faire tant de mal pour un homme ? Vous l'aimez donc toujours, hein, ma pauvre chérie ? Tout à l'heure, vous étiez joliment montée contre lui, et vous voilà maintenant à le pleurer, à vous crever le cœur. « Mon Dieu, que nous sommes bêtes !» Puis elle se montra maternelle. « Une jolie petite femme comme vous, s'il est permis. On peut tout vous raconter à présent, n'est-ce pas ? Eh bien, vous vous souvenez, quand je suis passée sous votre fenêtre, je me doutais. Imaginez-vous que cette nuit, lorsqu'Adèle est rentrée, j'ai entendu un pas d'homme avec le sien. Alors j'ai voulu savoir, j'ai regardé dans l'escalier. Le particulier était déjà au deuxième étage, mais j'ai bien reconnu la redingote de Monsieur Lantier. Boche, qui faisait le guet ce matin, l'a vu redescendre tranquillement. C'était avec Adèle, vous entendez ? Virginie a maintenant un monsieur chez lequel elle va 2 fois par semaine. Seulement, ce n'est guère propre tout de même, car elles n'ont qu'une chambre et une alcôve, et je ne sais trop où Virginie a pu coucher. » Elle s'interrompit un instant, se tournant, reprenant de sa grosse voix étouffée. « Elle rit de vous voir pleurer, cette sans-cœur là-bas. Je mettrai ma main au feu que son savonnage est une frime. Elle a emballé les 2 autres et elle est venue ici pour leur raconter la tête que vous feriez. » Gervaise ôta ses mains, regarda. Quand elle aperçut devant elle Virginie, au milieu de 3 ou 4 femmes, parlant bas, la dévisageant, elle fut prise d'une colère folle, les bras en avant, cherchant à terre, tournant sur elle-même, dans un tremblement de tous ses membres, elle marcha quelques pas, rencontra un seau plein, le saisit à 2 mains, le vida à toute volée. « Chameau, va !» cria la grande Virginie. Elle avait fait un saut en arrière. Ses bottines seules étaient mouillées. Cependant, le lavoir, que les larmes de la jeune femme révolutionnaient depuis un instant, se bousculait pour voir la bataille. Des laveuses, qui achevaient leur pain, montèrent sur des baquets. D'autres accoururent, les mains pleines de savon. Un cercle se forma. « Ah, le chameau !» répétait la grande Virginie. « Qu'est-ce qui lui prend à cet enragé-là » Gervaise, en arrêt, le menton tendu, la face convulsée, ne répondait pas, n'ayant point encore le coup de gosier de Paris. L'autre continua. « Va donc ! C'est là de rouler la province. Ça n'avait pas 12 ans que ça servait de paillasse à soldat. Ça a laissé une jambe dans son pays. Elle est tombée de pourriture, sa jambe. » Un rire courut. Virginie, voyant son succès, s'approcha de 2 pas, redressant sa haute taille, criant plus fort. « Hein ? Avance un peu pour voir que je te fasse ton affaire. Tu sais, il faut pas venir nous embêter ici. Est-ce que je la connais, moi, cette peau ? Si elle m'avait attrapée, je lui aurais joliment retroussé ses jupons, vous auriez vu ça. Qu'elle dise seulement ce que je lui ai fait. Dis, Rouchy, qu'est-ce qu'on t'a fait ?»« Ne causez pas tant, bégaya Gervaise. Vous savez bien. On a vu mon mari hier soir. Et taisez-vous, parce que je vous étranglerai, bien sûr. » Son mari ? Ah, elle est bonne celle-là, le mari à madame. Comme si on avait des maris avec cette dégaine. Ce n'est pas ma faute s'il t'a lâché. Je ne te l'ai pas volé, peut-être. On peut me fouiller. Veux-tu que je te dise ? Tu l'as empoisonné, cet homme. Il était trop gentil pour toi. Avait-il son collier, au moins ? Qui est-ce qui a trouvé le mari à madame ? Il y aura une récompense. » Les rires recommencèrent. Gervaise, à voix presque basse, se contentait toujours de murmurer. Vous savez bien, c'est votre sœur, je l'étranglerai, votre sœur. » Oui, va te frotter à ma sœur, reprit Virginie en ricanant. Ah, c'est ma sœur, c'est bien possible, ma sœur a un autre chic que toi. Mais est-ce que ça me regarde? Est-ce qu'on ne peut plus laver son linge tranquillement? Flanque-moi la paix, entends-tu? Parce qu'en voilà assez. » Et ce fut elle qui revint, après avoir donné 5 ou 6 coups de battoir, grisée par les injures, emportée. Elle se tut et recommença ainsi 3 fois. « Eh bien oui, c'est ma sœur. Là, tu es contente? Ils s'adorent tous les deux. Il faut les voir se bécoter. Et il t'a lâché avec tes bâtards, de jolis mômes qui ont des croûtes plein la figure. Il y en a un d'un gendarme, n'est-ce pas? Et tu en as fait crever 3 autres parce que tu ne voulais pas de surcroît de bagages pour venir. C'est ton lantier qui nous a raconté ça. Ah, il en a dit de belles. Il en avait assez de ta carcasse. Salope ! Salope ! Salope ! Hurla Gervaise hors d'elle, reprise par un tremblement furieux. Elle tourna, chercha une fois encore par terre et, ne trouvant que le petit baquet, elle le prit par les pieds, lança l'eau du bleu à la figure de Virginie. « Rosse ! Elle m'a perdu ma robe !» cria celle-ci, qui avait toute une épaule mouillée et sa main gauche teinte en bleu. « Attends, gadou !» À son tour, elle saisit un seau, le vida sur la jeune femme. Alors, une bataille formidable s'engagea. Elles couraient toutes deux le long des baquets, s'emparant des seaux pleins, revenant se les jeter à la tête. Et chaque déluge était accompagné d'un éclat de voix. Gervaise elle-même répondait à présent. « Tiens, saleté, tu l'as reçu celui-là, ça te calmera le derrière. »« Ah, la carne, voilà pour ta crasse, débarbouille-toi une fois dans ta vie. »« Oui, oui, je vais te dessaler, grande morue. »« Encore un, rince-toi les dents, fais ta toilette pour ton quart de ce soir au coin de la rue Belhomme. » Elles finirent par remplir les seaux au robinet et, en attendant qu'ils fussent pleins, elles continuaient leurs ordures. Les premiers seaux mal lancés les touchaient à peine, mais elles se faisaient la main. Ce fut Virginie qui, la première, en reçut un en pleine figure. L'eau, entrant par son cou, coula dans son dos et dans sa gorge, pissa par-dessous sa robe. Elle était encore tout étourdie quand un second la prit de biais, lui donna une forte claque contre l'oreille gauche en trempant son chignon, qui se déroula comme une ficelle. Gervaise fut d'abord atteinte aux jambes. Un seau lui emplit ses souliers, rejaillit jusqu'à ses cuisses. 2 autres l'inondèrent aux hanches. Bientôt d'ailleurs, il ne fut plus possible de juger les coups. Elles étaient l'une et l'autre ruisselantes de la tête aux pieds, les corsages plaqués aux épaules, les jupes collant sur les reins, maigries, raidies, grelottantes, s'égouttant de tous les côtés, ainsi que des parapluies pendant une averse. « Elles sont rien drôles !» dit la voix enrouée d'une laveuse. Le lavoir s'amusait énormément. On s'était reculé pour ne pas recevoir les éclaboussures. Des applaudissements, des plaisanteries montaient au milieu du bruit d'écluses des seaux vidés à toute volée. Par terre, des mares coulaient. Les deux femmes pataugeaient jusqu'aux chevilles. Cependant, Virginie, ménageant une traîtrise, s'emparant brusquement d'un seau d'eau de lessive bouillante qu'une de ses voisines avait demandé, le jeta. Il y eut un cri. On crut Gervaise ébouillantée. Mais elle n'avait que le pied gauche brûlé légèrement. Et de toutes ses forces, exaspérée par la douleur, sans le remplir cette fois, elle envoya un seau dans les jambes du Virginie, qui tomba. Toutes les laveuses parlaient ensemble. « Elle lui a cassé une patte !»« Dame, l'autre a bien voulu la faire cuire !»« Elle a raison, après tout, la blonde, si on lui a pris son homme !» Madame Boche levait les bras au ciel en s'exclamant. Elle s'était prudemment garée entre deux baquets. Et les enfants, Claude et Étienne, pleurant, suffoquant, épouvantés, se pendaient à sa robe avec ce cri continu « Maman ! Maman !» qui se brisait dans leurs sanglots. Quand elle vit Virginie par terre, elle accourut, tirant Gervaise par ses jupes, répétant « Voyons, allez-vous-en, soyez raisonnable. J'ai laissé tourner ma parole. On n'a jamais vu une tuerie pareille. » Mais elle recula. Elle retourna se réfugier entre les deux baquets avec les enfants. Virginie venait de sauter à la gorge de Gervaise. Elle la serrait au cou, tâchait de l'étrangler. Alors, celle-ci, d'une violente secousse, se dégagea, se pendit à la queue de son chignon comme si elle avait voulu lui arracher la tête. La bataille recommença, muette, sans un cri, sans une injure. Elle ne se prenait pas corps à corps, s'attaquait à la figure, les mains ouvertes et crochues, pinçant, griffant ce qu'elles empoignaient. Le ruban rouge et le filet en chenille bleue de la grande brune furent arrachés. Son corsage, craqué au cou, montra sa peau, tout un bout d'épaule, tandis que la blonde, déshabillée, une manche de sa camisole blanche ôtée sans qu'elle sût comment, avait un accroc à sa chemise qui découvrait le pli nu de sa taille. Des lambeaux d'étoffe volaient. D'abord, ce fut sur Gervaise que le sang parut. Trois longues égratignures descendant de la bouche sous le menton. Et elle garantissait ses yeux, les fermait à chaque claque, de peur d'être éborgnée. Virginie ne saignait pas encore. Gervaise visait ses oreilles, s'enrageait de ne pouvoir les prendre, quand elle saisit enfin l'une des boucles, une poire de verre jaune. Elle tira, fendit l'oreille, le sang coula. « Elle se tue, séparez-les, ces guenons !» dirent plusieurs voix. Les laveuses s'étaient rapprochées. Il se formait deux camps. Les unes excitaient les deux femmes comme des chiennes qui se battent. Les autres, plus nerveuses, toutes tremblantes, tournaient la tête, en avaient assez, répétaient qu'elles en seraient malades, bien sûr. Et une bataille générale faillit avoir lieu. On se traitait de sans-cœur, de propre à rien. Des bras nus se tendaient. Trois gifles retentirent. Madame Boche, pourtant, cherchait le garçon de lavoir. « Charles ! Charles ! Où est-il donc ?» Et elle le trouva au premier rang, regardant, les bras croisés. C'était un grand gaillard à cou énorme. Il riait, il jouissait des morceaux de peau que les deux femmes montraient. La petite blonde était grasse comme une caille. Ça serait farce si sa chemise se fendait. « Tiens ! » murmura-t-il en clignant un œil. Elle a une fraise sous le bras. « Comment ? Vous êtes là ? » cria Madame Boche en l'apercevant. « Mais aidez-nous à les séparer ! Vous pouvez bien les séparer, vous !»« Ah, bien non, merci, s'il n'y a que moi, » dit-il tranquillement. « Pour me faire griffer l'œil comme l'autre jour, n'est-ce pas ? Je ne suis pas ici pour ça, j'aurais trop de besogne. » N'ayez pas peur, allez, ça leur fait du bien, une petite saignée. Ça les attendrit. » La concierge parla alors d'aller avertir les sergents de ville. Mais la maîtresse du lavoir, la jeune femme délicate aux yeux malades, s'y opposa formellement. Elle répéta à plusieurs reprises « Non, non, je ne veux pas, ça compromet la maison. » Par terre, la lutte continuait. Tout d'un coup, Virginie se redressa sur les genoux. Elle venait de ramasser un battoir, elle le brandissait. Elle râlait, la voix changée. « Voilà du chien! Attends! Apprête ton linge sale !» Gervaise, vivement, allongea la main, prit également un battoir, le teint levé comme une massue. Et elle avait, elle aussi, une voix rauque. « Ah! Tu veux la grande lessive? Donne ta peau que j'en fasse des torchons !» Un moment, elles restèrent là, agenouillées, à se menacer, les cheveux dans la face, la poitrine soufflante, boueuse. Tuméfiée, elle se guettait, attendant, reprenant haleine. Gervaise porta le premier coup. Son battoir glissa sur l'épaule de Virginie. Et elle se jeta de côté pour éviter le battoir de celle-ci, qui lui effleura la hanche. Alors, mise en train, elles se tapèrent comme les laveuses tapent leur linge, rudement, en cadence. Quand elles se touchaient, le coup s'amortissait. On aurait dit une claque dans un baquet d'eau. Autour d'elle, les blanchisseuses ne riaient plus. Plusieurs s'en étaient allées, en disant que ça leur cassait l'estomac. Les autres, celles qui restaient, allongeaient le cou, les yeux allumés d'une lueur de cruauté, trouvant ces gaillardes-là très crânes. Madame Boche avait emmené Claude et Étienne, et l'on entendait, à l'autre bout, l'éclat de leurs sanglots mêlés aux heurts sonores des deux battoirs. Mais Gervaise, brusquement, hurla. Virginie venait de l'atteindre à toute volée sur son bras nu, au-dessus du coude. Une plaque rouge parut. La chair enfla tout de suite. Alors elle se rua. On crut qu'elle voulait assommer l'autre. « Assez ! Assez ! » cria-t-on. Elle avait un visage si terrible que personne n'osa approcher. Les forces décuplées, elle saisit Virginie par la taille, la plia, lui colla la figure sur les dalles, les reins en l'air. Et, malgré les secousses, elle lui releva les jupes, largement. Dessous, il y avait un pantalon. Elle passa la main dans la fente, l'arracha, montra tout, les cuisses nues, les fesses nues. Puis, le battoir levé, elle se mit à battre, comme elle battait autrefois à Plassans, au bord de la Viorne, quand sa patronne lavait le linge de la garnison. Le bois mollissait dans les chairs avec un bruit mouillé. À chaque tape, une bande rouge marbrait la peau blanche. « Ho, ho !» murmurait le garçon Charles, émerveillé, les yeux agrandis. Des rires, de nouveau, avaient couru. Mais bientôt le cri « Assez ! Assez !» recommença. Gervaise n'entendait pas, ne se lassait pas. Elle regardait sa besogne, penchée, préoccupée de ne pas laisser une place sèche. Elle voulait toute cette peau battue, couverte de confusion. Et elle causait, prise d'une gaieté féroce, se rappelant une chanson de Lavandière. « Pan, pan, Margot au lavoir! Pan, pan, à coup de battoir! Pan, pan, va laver son cœur! Pan, pan, tout noir de douleur !» Et elle reprenait. « Ça, c'est pour toi! Ça, c'est pour ta sœur! Ça, c'est pour l'entier !» Quand tu les verras, tu leur donneras ça. Attention, je recommence. Ça, c'est pour l'entier. Ça, c'est pour ta sœur. Ça, c'est pour toi. Pan, pan, Margot haut la voix. Pan, pan, à coup de battoir. On dut lui arracher Virginie des mains. La grande brune, la figure en larmes, pourpre, confuse, reprit son linge, se sauva. Elle était vaincue. Cependant, Gervaise repassait la manche de sa camisole, rattachait ses jupes. Son bras la faisait souffrir, et elle pria Madame Boche de lui mettre son linge sur l'épaule. La concierge racontait la bataille, disait ses émotions, et parlait de lui visiter le corps, pour voir. « Vous avez peut-être bien quelque chose de cassé, j'ai entendu un coup. » Mais la jeune femme voulait s'en aller. Elle ne répondait pas aux apitoiements, à l'ovation bavarde des laveuses qui l'entouraient. droite dans leur tablier. Quand elle fut chargée, elle gagna la porte où ses enfants l'attendaient. C'est 2 heures, ça fait 2 sous, lui dit en l'arrêtant la maîtresse du lavoir, déjà réinstallée dans son cabinet vitré. Pourquoi 2 sous? Elle ne comprenait plus qu'on lui demandait le prix de sa place. Puis elle donna ses 2 sous. Et, boitant fortement sous le poids du linge mouillé pendu à son épaule, ruisselante, le coude bleui, la joue en sang, elle s'en alla, entraînant de ses bras nus Étienne et Claude, qui trottaient à ses côtés, secoués encore et barbouillés de leurs sanglots. Derrière elle, le lavoir reprenait son bruit énorme d'écluse. Les laveuses avaient mangé leur pain, bu leur vin, et elles tapaient plus dur, les faces allumées, égayées par le coup de torchon de Gervaise et de Virginie. Le long des baquets, de nouveau, s'agitait une fureur de bras, des profils anguleux de marionnettes aux reins cassés, aux épaules déjetées, se pliant violemment comme sur des charnières. Les conversations continuaient d'un bout à l'autre des allées. Les voix, les rires, les mots gras se fêlaient dans le grand gargouillement de l'eau. Les robinets crachaient, les seaux jetaient des flaquets, une rivière coulait sous les batteries. C'était le chien de l'après-midi, le linge pilé à coups de battoir. Dans l'immense salle, les fumées devenaient rousses, trouées seulement par des ronds de soleil, des balles d'or, que les déchirures des rideaux laissaient passer. On respirait l'étouffement tiède des odeurs savonneuses. Tout d'un coup, le hangar s'emplit d'une buée blanche. L'énorme couvercle du cuvier où bouillait la lessive montait mécaniquement le long d'une tige centrale à crémaillère, et le trou béant du cuivre, au fond de sa maçonnerie de briques, exhalait des tourbillons de vapeur, d'une saveur sucrée de potasse. Cependant, à côté, les essoreuses fonctionnaient. Des paquets de linge, dans des cylindres de fonte, rendaient leur eau sous un tour de roue de la machine, haletante, fumante, secouant plus rudement le lavoir de la besogne continue de ses bras d'acier. Quand Gervaise mit le pied dans l'allée de l'hôtel Boncoeur, les larmes la reprirent. C'était une allée noire, étroite, avec un ruisseau longeant le mur pour les eaux sales. Et cette puanteur qu'elle retrouvait lui faisait songer aux 15 jours passés là avec Lantier. 15 jours de misère et de querelle, dont le souvenir, à cette heure, était un regret cuisant. Il lui sembla entrer dans son abandon. En haut, la chambre était nue, pleine de soleil, la fenêtre ouverte. Ce coup de soleil, cette nappe de poussière d'or dansante, rendait lamentable le plafond noir, les murs au papier arraché. Il n'y avait plus, à un clou de la cheminée, qu'un petit fichu de femme, tordu comme une ficelle. Le lit des enfants, tiré au milieu de la pièce, découvrait la commode, dont les tiroirs laissés ouverts montraient leurs flancs vides. Lantier s'était lavé et avait achevé la pommade. 2 sous de pommade dans une carte à jouer. L'eau grasse de ses mains emplissait la cuvette. Et il n'avait rien oublié. Le coin, occupé jusque-là par la malle, paraissait à Gervaise faire un trou immense. Elle ne retrouva même pas le petit miroir rond accroché à l'espagnolette. Alors, elle eut un pressentiment. Elle regarda sur la cheminée. Lantier avait emporté les reconnaissances. Le paquet rose tendre n'était plus là, entre les flambeaux de zinc dépareillés. Elle pendit son linge au dossier d'une chaise. Elle demeura debout, tournant, examinant les meubles, frappée d'une telle stupeur que ses larmes ne coulaient plus. Il lui restait 1 sou sur les 4 sous gardés pour le lavoir. Puis, entendant rire à la fenêtre Étienne et Claude, déjà consolés, elle s'approcha, prit leur tête sous ses bras, s'oublia un instant devant cette chaussée grise où elle avait vu le matin s'éveiller le peuple ouvrier, le travail géant de Paris. À cette heure, le pavé échauffé par les besognes du jour allumait une réverbération ardente au-dessus de la ville, derrière le mur de l'octroi. C'était sur ce pavé, dans cet air de fournaise, qu'on la jetait toute seule avec les petits. Et elle enfila d'un regard les boulevards extérieurs, à droite, à gauche, s'arrêtant au debout, prise d'une épouvante sourde, comme si sa vie, désormais, allait tenir là, entre un abattoir et un hôpital.